Bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Vous êtes en compagnie ce soir de Bruno Côté à la mise en onde et au choix musical et Marc Chaunet à l'animation pour deux bonnes heures de nouveau rock progressif. On a plusieurs disques récents, plein de bonne musique pour vous ce soir. Comme d'habitude, Bruno a concocté un choix où il y a également, vous ferez certainement quelques découvertes également. Alors, on va débuter avec The Rome Project. C'est le second Rome Project intitulé Of Fate and Glory. C'est un projet de Vincenzo Riccia avec Steve Hackett, Billy Sherwood et David Jackson également sur ça. Et on ira avec la pièce Adrianeum. J'ai vu qu'il va y avoir un troisième disque qui va être fait également par The Rome Project qui devrait paraître l'année prochaine. Peut-être en fin d'année prochaine. Alors, on va débuter avec ça, The Rome Project. On aura également Palace et également Verbal Delirium, qui est une autre nouveauté tirée de leur album The Imprisoned Words of Fear. Mais tout d'abord, The Rome Project. We'll be right back. listening to Total Rock, your favorite rock radio station. The sun is shining, the temperature is heading for the high 80s. Please listen guys, carefully. It's a scary day out there in a big, bad world today. But let's forget about that. Let's listen to some music. Go. Our world is falling down, spinning I didn't see that coming. Les Américains Mondo Drag, tiré de l'album Mondo Drag, et c'était la pièce Snake Skin. C'est très récent. Juste avant, Verbal Delirium, une nouveauté de la Grèce, de leur troisième album, l'excellent The Imprisoned Words of Fear, et c'était la pièce Close to You. Juste avant, il y avait Palace, tiré de 25 XXV, un album de 2011, leur avant-dernier disque, Falling Down, du Royaume-Uni. Et on avait débuté avec les Italiens, The Rome Project of Fate and Glory, et la pièce, c'était pas la pièce qu'on vous avait présentée. Vous irez voir sur notre site, en fait, pour voir la liste des pièces qu'on fait jouer. Allez sur le www.terraincognita.québec et vous aurez les détails de toutes les pièces. Il y a également le podcast disponible sur le site de CKRL après l'émission et également sur le site de Terra Incognita. Vous y verrez la description des groupes qui seront au Festival Terra Incognita 2017. Dans ces groupes-là, il y aura donc le 20 et 21 mai au Centre d'art La Chapelle. Le 20, on aura le groupe de Québec Universe Effects. On aura également des États-Unis Eden Song et Glasshammer, dont on entendra une pièce juste après la pause, tirée de leur nouvel album Valkyrie. Et également, le dimanche 21 mai, on débutera avec Il Paradiso degli Orchi, de l'Italie, suivi de Comedy of Errors, du Royaume-Uni. Et également, on terminera cette journée-là avec Fabio Zuffanti et Ost Sonaten. Alors, le plus récent, Cupid and Psyche, également The Rime of the Ancient Mariner, et autres pièces de Ost Sonaten. Et tout ça, ben, ça se passe au Centre d'art La Chapelle. En début d'année, au Centre d'art La Chapelle, le 7 janvier, il y aura Inner Odyssey avec The GG Project en hommage à Gentle Giant. Il y a également, fin janvier, le 27, au Cercle, le groupe de Montréal House. Ensuite, en février, il y a Neil Morse qui présente un nouveau disque. Ensuite, ben, il y a pas mal de choses qui s'en viennent. Il y a le groupe IQ qui sera en spectacle et Angla Gard également. Alors, ces deux spectacles-là sont à la salle Jean-Paul Tardy du Collège Saint-Charles-Garnier. Alors, vous surveillerez ça parce que tous ces billets sont en vente. Il y a également Aldi Meola pour les amateurs de rock et de prog qui doivent probablement connaître l'album Elegant Gypsy. C'est le 40e anniversaire de cet excellent album de Aldi Meola. Et c'est au Palais Montcalm. On y va tout de suite en musique, donc, avec Glasshammer, tiré de Valkyrie, la pièce Fog of War. Ensuite, ce sera de l'Italie, Nathan, leur nouvel album, un nouveau disque. En fait, c'est leur premier disque, Nebulosa. Et on aura également deux pièces, oui, de Nathan. Et on aura également Cosmic Singularity, donc, qui sont découvertes pour moi. Alors, on y va tout de suite avec ce prochain bloc musical choisi par Bruno, avec la musique de Glasshammer.

endure their own myopia. Yet their traces lingered on as we ruined our last utopia. Torn and tattered once again.

Et bon, donc il y avait eu également, pour débuter le bloc musical, Glasshammer, tiré de Valkyrie, la pièce Fog of War. Je le rappelle, ils seront en spectacle au Festival Terra Incognita 2017. On y va en musique avec un autre beau choix musical de Bruno et Richard Schoblum, tiré de son super bon disque, paru un peu plus tôt cette année, The Unbendable Sleep, et la pièce Rhyme and Reason. On aura également de l'Italie DFA, tiré d'un album live, Work in Progress, DFA, qui sont plus actifs parce qu'il y a un des membres qui est décédé. La pièce Pantera. On aura également Three Trap Tigers, nouveauté également du Royaume-Uni, Silent Earthling, et la pièce Strebek. On aura également quelque chose un peu plus après ça. On va se diriger tranquillement avec une transition vers l'autoroute avec Idria Space Folk, également le groupe Neo et Samsara. On y va tout de suite en musique avec Richard Schoblum. I'll be getting to you.

Alberto Bonomi on the keyboard. Thank you. Thank you.